Ésaïe chapitre 50. Ainsi a dit l'Éternel, où sont les lettres de divorce de votre mère que j'ai renvoyées? Ou qui est celui de mes créanciers à qui je vous ai vendu? Voilà, vous avez été vendu pour vos iniquités, et votre mère a été renvoyée pour vos forfaits. Pourquoi suis-je venu, et il ne s'est trouvé personne? J'ai crié, et il n'y a personne qui ait répondu. Ma main est-elle en quelque sorte raccourcie, tellement que je ne puisse pas racheter, ou n'y a-t-il plus de force en moi pour délivrer? Voici, je fais tarir la mer, quand je la tense, je réduis les fleuves en désert, tellement que leur poisson devient puant, étant mort de soif, parce qu'il n'y a point d'eau. Je revêts les cieux de noirceur, et je mets un sac pour leur couverture. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné la langue des savants, pour savoir assaisonner la parole à celui qui est accablé de maux. Chaque matin il me réveille soigneusement, afin que je prête l'oreille au discours des sages. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille, et je n'ai point été rebelle, et ne me suis point retiré en arrière. J'ai exposé mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui me tiraient le poil, je n'ai point caché mon visage en arrière des opprobres, ni des crachats. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a aidé, c'est pourquoi je n'ai point été confus, et ainsi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, car je sais que je ne serai point rendu honteux. Celui qui me justifie est prêt, qui est-ce qui plaidera contre moi? Comparaissons ensemble, qui est-ce qui est ma partie adverse? Qu'il approche de moi. Voilà, le Seigneur, l'Éternel, m'aidera, qui sera ce qui me condamnera? Voilà, eux tous seront usés comme un vêtement, la teigne les rongera. Qui est celui d'entre vous qui craigne l'Éternel, et qui écoute la voix de son serviteur? Que celui qui a marché dans les ténèbres, et qui n'avait point de clarté, ait confiance au nom de l'Éternel, et qu'il s'appuie sur son Dieu. Voilà, vous tous qui allumez le feu, et qui vous saignez d'étincelles, marchez à la lueur de votre feu, et dans les étincelles que vous avez embrasées, ceci vous a été fait de ma main, vous serez gisant dans les tourments.